Amis, spectateurs, producteurs, diffuseurs, écouteurs et facteurs, partageons la bonne heure. Le bonheur. Zorro Zora. Un groupe qui déchire. Vous présente sa maquette avec des chansons entières dedans. Tu frises. Et sans conservateur.